Chapitre 9. Le meurtrier de mon père, ayant été arrêté, fut jugé 2 mois après la cour d'assises. Je fus forcé, comme témoin, d'assister au jugement. Nouvelle douleur qui recommençait l'ancienne. Ah, madame, si vous saviez dans quels termes les magistrats me parlèrent, comme on me fit entendre, en m'interrogeant, que j'étais une fille perdue, comme tous les témoins déclarèrent que j'avais une réputation déplorable, comme le procureur du roi me renvoya à ma place d'un air de mépris, en relevant la manche de sa robe, comme on rejeta sur moi tous les torts de la querelle, comme l'avocat de celui qui avait tué mon père fit l'éloge de son client, comme il assura que mon pauvre père, le vieux sans souci, était un homme sans mœurs, un vagabond, mal famé, que sais-je encore. Hélas, pauvre père, un si bon ouvrier, si laborieux et si doux, et c'est moi qui lui attirais toutes ces injures. Comme il ajouta que son client avait donné une marque d'intérêt et d'amitié à mon père, en lui demandant des nouvelles de sa petite fille, comment mon père, qui était toujours, à son dire, ivrogne et furieux, avait répondu par des injures et des coups à cette marque d'amitié. Comme il avait voulu assommer le client, pris en traître, et forcé de se défendre, avait résisté de son mieux. Comment un compas s'était trouvé dans sa poche, comment mon père avait voulu le prendre et l'en frapper. Comment l'autre s'était débattu et mon père s'était enferré, ce qu'on pouvait appeler une justice de la divine providence. Enfin, madame, il parla tant et si bien, il leva si souvent les bras vers le ciel et les fit retomber sur la barre, il invoqua les présents et les absents, et il dit de si belles choses de son client, et de si laides de mon père et de moi, que l'assassin fut acquitté, et que le peuple le reconduisit en poussant des cris et en applaudissant à la sentence. Et moi, pour échapper aux coups de pierre et aux huées, j'attendis la nuit, je traversai la ville en courant, et m'enfermai chez moi en grande peur d'être poursuivi. C'est la justice des hommes. Quand je rentrai, ma petite Bernardine me tendit les bras en riant. Je la pris à mon cou. Je la serrai de toutes mes forces sur ma poitrine, comme si l'on avait voulu me l'arracher. Et je me sentis consolé. Après tout, grâce à mon travail et au petit jardin que mon père m'avait laissé, je n'avais ni froid ni faim, et je pouvais vivre en paix, entre ma famille et Dieu. Combien de malheureux voudraient pouvoir en dire autant? Cependant, je comptais les jours, les mois et les années qui me séparaient encore de Bernard. Lui seul me restait sur la terre. Mais s'il venait à m'abandonner, je me sentais tout à fait découragé, car les réflexions pieuses et la confiance en Dieu pouvaient bien m'adoucir l'amertume de la vie, mais non pas me la rendre précieuse et me la faire aimer. L'amour seul pouvait faire ce miracle. Une chose surtout, quand j'étais seul, m'inquiétait cruellement. Pourquoi ne m'écrivait-il pas? Il est vrai que je ne savais pas l'écriture. C'est un de nos grands malheurs à nous, pauvres ouvrières. Mais la mère Bernard aura dû me lire ses lettres. Quand je l'interrogeais, elle répondait toujours « Bernard va bien, il sera sergent un de ces jours. Son capitaine est très content. S'il veut être officier, il le sera, et même colonel. » « Colonel ? » ?»« À vous dire le vrai, madame, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un colonel. » Mais j'ai toujours entendu dire qu'il faut être si riche et si grand seigneur pour emporter les épaulettes que j'avais peine à croire que Bernard pût être colonel. Et cependant, en y pensant bien, je trouvais que personne n'en pouvait être plus digne. J'ai su depuis que la mère de Bernard ne me disait pas tout. Son fils m'avait écrit, mais en mettant sa lettre dans celle de sa mère, parce qu'il désirait que sa mère me la lût tout haut elle-même, et aussi parce qu'il avait peur que mon pauvre père, le vieux sans souci, dont il ignorait la mort, ne voulut l'intercepter. En quoi il se trompait des deux côtés, car mon père me laissait toute liberté, et la mère de Bernard, qui commençait à se dégoûter de moi à cause de tout le bruit qu'on avait fait, et qui rêvait de voir son fils officier, et qui aurait voulu lui faire épouser la fille d'un notaire, garda soigneusement toutes les lettres sans m'en dire un seul mot. Enfin, j'étais arrivé à l'âge de 22 ans. Bernard n'avait plus que 2 ans de service à faire, et je commençais à espérer la fin de mes peines. Lorsqu'un soir le contremaître Mathieu, qui n'avait jamais cessé de me faire la cour, mais que j'avais tenu à distance, s'avisa de me demander un rendez-vous. Il faut vous dire que sa femme était morte depuis 2 mois, et qu'avantageux comme il l'était, il avait toujours cru qu'il n'y avait que cet obstacle entre nous. Je le priais de me laisser tranquille. « Écoute, dit-il, il faut que tu aies un amoureux caché, car de vivre ainsi seul et d'attendre quelqu'un qui ne viendra jamais, ce n'est pas naturel. » Je haussai les épaules sans répondre, et je rentrai chez moi. Il était à peu près 10 heures du soir. Bernardine était déjà couchée et j'allais me coucher moi-même, lorsque j'entendis qu'on frappait à la vitre 2 coups légers. Je n'eus pas grand peur d'abord, car il n'y avait rien à prendre chez moi, et la mère de Bernard venait quelquefois chez moi le soir et frappait de la même manière pour se faire entendre. Je me levai donc et j'ouvris la fenêtre sans défiance. « Est-ce vous, mère ?» Pour toute réponse, un homme sauta dans la chambre qui était au rez-de-chaussée et au niveau de la rue. Aussitôt, je poussai un cri. « Tais-toi, dit-il, c'est moi, Mathieu. Ne me reconnais-tu pas ?» Je reculai, moitié de frayeur, moitié de colère. « Je ne vous connais pas. Que me voulez-vous ? Sortez ou j'appelle. Pas de bruit, Rose. On viendrait, on me trouverait ici, et l'on croirait que tu m'as fait venir. Expliquons-nous tranquillement. » « Je ne veux pas m'expliquer, lui dis-je avec force. Sortez d'ici. » « Allons, tu fais la méchante, tu as tort, je t'aime, tu le sais bien. Tu es seul, je suis seul aussi, car mes enfants ne comptent pas. Nous pouvons vivre ensemble. Va-t'en, Mathieu, ou je crie, au feu !» À ces mots, il saute tout à coup sur moi et veut me fermer la bouche. Mais je me dégage à la faveur de l'obscurité. Je saisis une chaise et la jette dans ses jambes. Il tombe, j'ouvre la porte et je me mets à courir comme une folle dans la rue. Dès qu'il vit que je m'étais échappé, il sortit lui-même. Et pour éviter d'être rencontré, il descendit à travers les jardins qui vont de ce côté-là jusqu'à la rivière. Quand je vis qu'il était parti, je rentrai moi-même toute tremblante dans la maison. Je fermai soigneusement la porte et la fenêtre, je mis un bâton à côté de mon lit pour me défendre si j'étais attaqué la nuit, et je dormis assez tranquillement jusqu'au lendemain. Je ne parlais de cette aventure à personne, et on ne l'aurait pas connu si un voisin, qui par hasard était dans son jardin, n'avait aperçu au clair de lune Mathieu qui fuyait du côté de la rivière. Il le reconnut sur le champ, et n'eut rien de plus pressé que d'en parler le lendemain à tout le quartier. Ce fut une rumeur générale. Si le feu avait pris à trois maisons à la fois, on n'en aurait pas fait plus de bruit. On fit d'abord raconter au voisin tout ce qu'il avait vu. « À quelle heure ?»« À 10 heures. »« C'était Mathieu ? L'avez-vous bien reconnu ?»« Parbleu, si je l'ai reconnu. Il a laissé sa casquette dans mon jardin. »« Et d'où venait-il ? Ah, pour cela, je n'en sais rien. »« Je le sais, moi, dit une femme. Il venait de chez Rose d'Amour. » À ce nom, tout le monde se mit à crier. « En voilà une gaillarde, une effrontée. Rien ne pourra donc la corriger. Comment elle va débaucher les pères de famille maintenant ?»« Faites attention à ce que je vous dis, ajouta une de mes camarades d'atelier. Il y aura encore quelqu'un de tué pour cette malheureuse. »« Ce n'est pas étonnant, dit une vieille femme. Les hommes n'aiment que ces créatures-là. » Et cette fois encore, on rejeta sur moi tous les torts. C'était moi qui avais encouragé Mathieu. Du vivant de sa femme, je l'avais reçu chez moi tous les soirs. Quelqu'un dit qu'il l'avait vu sortir de ma maison à 3 heures du matin. On plaignit la pauvre défunte, on assura qu'elle était morte du chagrin de voir la mauvaise conduite de son mari. Enfin, tout ce qu'on avait dit contre moi depuis le départ de Bernard se réveilla de nouveau. Et cette fois, je n'avais plus d'appui nulle part. Mon père était mort, mon pauvre père, le seul être qui m'eût protégé. Il faut vous dire que j'avais encore, sans le savoir, un nouveau sujet de tristesse. Quand je vis que Bernard ne m'écrivait pas, et que sa mère ne me parlait plus de lui, que rarement, de loin en loin, j'avais résolu d'apprendre à lire et à écrire, et d'écrire mes lettres moi-même, car excepté le catéchisme qu'on m'avait fait apprendre pour la première communion, je ne savais absolument rien de ce qu'on enseigne dans les écoles. Mais en même temps, j'étais fort embarrassé d'apprendre, car d'abord, madame, je n'avais pas la tête bien organisée pour les livres. Cela vient un peu de naissance, comme vous savez, et mon père, mes sœurs et moi, nous avions la tête si dure qu'il avait fallu renoncer à nous apprendre à lire. Cependant, comme je veux fermement ce que je veux, je m'en allais trouver un pauvre garçon qu'on appelait Jean-Paul, qui était sans famille, sans parents connus, et sorti, je crois, de l'hospice de Lyon. Ce pauvre Jean-Paul, qui était boiteux et marqué de la petite vérole, mais doux comme un mouton, et aimé de tout le monde à cause de sa bonté, faisait le soir, après souper, une école de lecture et d'écriture à 7 ou 8 filles de mon âge, qui n'avaient pas appris à lire mieux que moi, et qui en sentait trop tard la nécessité. Comme il était garçon tailleur et vivait de son aiguille, sans être riche, il faisait son école gratis, et ne se faisait pas prier pour écrire les lettres de son quartier. J'allais lui demander de me recevoir parmi ses élèves. Le pauvre garçon me regarda en souriant, suivant sa manière, et me dit « Tu es bien grande, Rose d'Amour, pour apprendre l'écriture à ton âge. Est-ce que tu veux écrire à ton colonel ?»« Justement, c'est à mon colonel. Au colonel Bernard ?» « Oui, au colonel Bernard. Eh bien, viens quand tu voudras. » J'y allais le soir même, et je commençais à travailler si durement et avec tant d'applications à faire des barres, des A, des O, des I, des U, des majuscules, des minuscules, de la ronde, de l'anglaise, de la bâtarde et de la coulée, que j'en étais bien souvent plus fatigué que de bêcher la terre, tant la plume est un outil pesant pour celui qui n'en a pas l'habitude. Enfin, je commençais à écrire des lettres grandes d'un pouce, puis d'un demi-pouce, d'un quart de pouce, et finalement de grandeur naturelle. Et quoique je n'ai jamais été grande écrivassière, je puis maintenant me faire lire et lire les autres. Pendant ce temps, Jean-Paul pensait à tout autre chose. Un soir, comme je m'en allais après la leçon, il me retint par le bras et me fit signe qu'il avait quelques secrets à me dire. Moi, toujours simple et bien éloigné de croire qu'on pût s'occuper de moi, je restai et je m'assis. Jean-Paul ferma la porte et s'assit en face de moi. « Rose de l'amour, la bien-nommée, dit-il, comment me trouves-tu » Je crus qu'il voulait rire. « Très joli garçon, lui dis-je. » Il secoua la tête. « Non, non, ce n'est pas cela que je te demande, Rose. Parle-moi sérieusement et regarde-moi bien. Écoute, j'ai 26 ans, 100 francs d'économie et l'immobilier que voilà. Je t'aime à la folie. Veux-tu m'aimer ?»« Est-ce que tu vas m'insulter, Jean-Paul ?» lui dis-je d'un air triste. Je me sentais venir les larmes aux yeux. « T'insulter, moi, Rose d'amour, moi t'insulter, as-tu pu le croire ? Je te demande si tu veux te marier avec moi. » Je lui tendis la main, il la baisa et la serra dans les siennes. « Eh bien, tu acceptes, dit-il, en ce cas la noce se fera dans 15 jours. »« Elle ne se fera pas, tu ne m'as pas comprise, mon bon Jean-Paul, elle ne se fera jamais. »« Ah oui, je le sais, tu aimes Bernard, mais pense-t-il encore à toi, et reviendra-t-il jamais ? Qu'il revienne ou non, je l'aime, et j'ai promis de l'attendre. » « Non, tu ne l'aimes pas, s'écria-t-il. Écoute-moi, Rose. Je sais ce qui t'arrête. C'est ta fille. Eh bien, je la reconnaîtrai. On se moquera de moi, mais je me moquerai des autres à mon tour. Je t'aime et je serai heureux. Je n'ai pas de parents, pas de famille. Je suis un enfant trouvé. Je ne dois compte de rien à personne. Et je t'aime. Ne me dis pas que tu ne m'aimes pas aujourd'hui. Je le sais et je te le pardonne. Mais tu m'aimeras un jour. Tu es si bonne. Car je te vois depuis 5 ans, Rose. » Et je n'ai pas cru un seul mot de ce qu'on a dit de toi. Je ne le croirais pas quand je l'aurais vu de mes 2 yeux. Tu es seul, sans amis, sans fortune, sans mari, sans amant. Je suis seul comme toi, et personne ne m'aime. Appuyons-nous l'un sur l'autre. Aimons-nous et marions-nous. Va, je ne serai pas jaloux de Bernard. Je te prends tel que tu es. Et je t'aime mieux qu'aucune créature, car tu es la meilleure fille du quartier. Et quoi qu'on t'ait fait bien du mal, tu n'as jamais cherché à te venger. Et la vengeance aurait été pourtant bien facile. Ce qu'il me faut, c'est une bonne femme, douce et laborieuse, et soigneuse. Et je sais que tu le seras, car tu l'es déjà. Dis un mot, Rose, et tu feras mon bonheur, et peut-être le tien. Je ne puis vous dire, madame, combien je fus touché des paroles de ce pauvre garçon. Je sentais bien qu'il disait vrai, et qu'il m'aimait tendrement. Mais moi, je ne l'aimais pas, et surtout j'avais dans le cœur un trop tendre souvenir de Bernard. Comme il vit que je ne répondais rien, il me crut ébranlé, et voulut continuer. Ses yeux bleus, qui étaient pleins de douceur, m'imploraient encore mieux que ses discours. Mais d'un mot, je lui fermai la bouche. « Adieu, Jean-Paul, je te remercie, et tu seras toujours pour moi un ami. Le meilleur et le plus sûr après Bernard. Mais ce mariage est impossible, et je ne remettrai plus les pieds dans cette maison. Et tu ne me permettras pas d'aller te voir ? Non, car tu ne pourrais pas t'empêcher de me parler de ce que je ne veux plus entendre. Devant Dieu, je suis la femme de Bernard. » Et je ne dois entendre de personne un mot d'amour. » À ces mots, je sortis et refermai la porte. Il n'essaya pas de me retenir, tant il était consterné.